Allô? Oui? Bonjour monsieur, je vous appelle au sujet de l'annonce sur Internet. L'appartement est toujours à louer? Oui. Une visite est programmée samedi prochain à 14h. Ah, très bien. Est-ce que je peux avoir quelques informations? Bien sûr. Que souhaitez-vous savoir? Le studio fait 25 mètres carrés, c'est ça? Oui. Et la pièce elle-même, sans la salle d'eau, ça fait quelle surface? La pièce fait 18 mètres carrés. Et elle est comment? Elle est claire? Ah oui, c'est très clair et lumineux. Le studio est au dernier étage et la vue est dégagée. Ça donne sur un parc. D'accord. La salle d'eau et les toilettes sont séparées? Non, vous avez la douche, le lavabo et les toilettes ensemble. Et c'est en bon état? Oui, mais la peinture est à rafraîchir. Ah. Et le chauffage, il est individuel? Oui, électrique. Oh là là, ça va coûter cher. Vous savez, l'appartement est petit et très bien isolé. Ah, ça c'est bien. Et il y a des placards? Seulement dans le coin cuisine, il y a un placard, deux plaques, un petit four, un petit réfrigérateur. C'est bien. Il y a de la place pour un lave-linge? Oui, dans la salle d'eau. Ok, ça me convient. Je peux le visiter? Oui, vous travaillez? Vous avez des bulletins de salaire? Non, je suis étudiant. Ce sont mes parents qui vont payer l'appartement. Très bien. Je demande un mois de caution à la signature. Pas de problème. Je peux le visiter samedi? Oui, je note votre nom. Épelez-le-moi.